Actualité, on se retrouve donc lundi pour commenter tout ce qui fait la Belgique, n'en déplaise à certains. Bon week-end. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, le bilan est terrible. Une femme et deux enfants ont été tués ce matin sur le chemin de l'école à Lessines. Un troisième enfant est gravement blessé et hospitalisé. Deux voitures se sont percutées vers 8h. On ne sait pas encore si la conductrice, c'est la maman des enfants ou leur tante. L'autre conducteur n'est pas blessé, mais il est fortement choqué. Explosion ce matin aussi à Wodec, près d'Elzel, dans le Hainaut occidental. Explosion dans une maison. Une personne se trouvait à l'extérieur. Elle a indiqué la présence d'une autre personne à l'intérieur. La victime est ensevelie sous les décombres. On ne sait pas si elle est vivante. Les chiens renifleurs des services de secours sont sur place. Ils font du bruit. Tape sur des tonneaux rouges dans le centre de Wavre, manifestation dans la ville du Premier ministre. Plusieurs milliers de personnes étaient attendues et parmi elles les représentants des syndicats des services publics. La manifestation doit être en train de débuter. La CSC Enseignement a choisi l'humour avec un faux bulletin de Charles Michel qui est diffusé. Et la mention attitude en classe, Charles n'écoute pas les partenaires sociaux, il n'en fait qu'à sa tête. Et c'est une journée d'action dans plusieurs secteurs, notamment dans les transports en commun. La situation n'est pas partout la même, surtout au niveau des bus Tech en Wallonie. Pas de perturbation a priori à la SNCB. À Gosselies, 500 personnes sont rassemblées devant l'usine Caterpillar. Des sous-traitants ont rejoint les travailleurs et présence aussi de Marc Goblet, le patron de la FGTB. Rassemblement également devant le siège d'ING à Bruxelles. De nombreux travailleurs sont venus de tout le pays. ING veut supprimer plus de 3000 emplois. Nous refusons ce plan, crie le 7K. Aux États-Unis, l'ouragan Matthews commence à frapper la Floride. Il a fait au moins 122 morts lors de son passage en Haïti, selon le ministère de l'Intérieur. Mais une radio locale annonce au moins 264 victimes. Dans la ville de Jeremy, dans le sud-ouest de l'île, 80% des bâtiments n'existent plus. Une ville de 30 000 habitants qui est complètement détruite. La météo, un peu de bruine possible, mais des températures assez agréables finalement. 16 degrés pour les maxima. Demain, de plus en plus d'éclaircies au fil des heures et il fera entre 9 et 15 degrés. Jean-Marc Stray, les conséquences de cet accident à Lessines. Oui, c'est la nationale 57 Soigny-Lessines, au kilomètre 20, autour de Lessines. Cette chaussée est donc toujours fermée, avec des fils qui se sont formés dans les deux directions, mais des déviations bien sûr qui sont mises en place. Un camion est en panne, confirmé par la communauté Coyote, dans l'échangeur de Neuchâteau. La chaussée est fermée dans la bretelle qui relie le 411 venant de Bruxelles à le 25, en direction de Liège. Attention à cet objet encombrant, il est important, c'est une pièce métallique de plus de 6 mètres qui se trouve sur le 411 Namur-Luxembourg aux environs de Rochefort en direction du Luxembourg. Et puis un petit coup d'œil sur le ring extérieur où la circulation est quelque peu ralentie entre Wezembeek et Terveren en direction de Waterloo. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Enfin, il a déjoué tous les pronostics. Le prix Nobel de la paix est attribué au président colombien Santos pour ses efforts de paix. J'ai cru que c'était moi. Désolé, j'ai fait un grand déçu. Ben oui, sur ce coup-là, oui. Vous reviendrez quand même à midi? Si vous m'autorisez, oui. D'accord, à tout à l'heure. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolveau. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va bien? On est tellement content d'être là. Non, t'es content parce que c'est vendredi. Voilà. Nuance. Cela dit, nous avons 2 heures devant nous et nous allons tuer le temps intelligemment. Vous êtes d'accord? En parlant notamment de bouée pour bébé Maya. Et une bouée un petit peu spéciale parce qu'elle ne se met pas autour de la taille comme une bouée classique. Non, est-ce qu'on annonce déjà la couleur directement? Oui, elle se met autour du cou, cette bouée pour bébé. C'est un nouveau modèle de bouée. Vous pouvez nous dire d'ailleurs sur la page Facebook d'On n'est pas des pigeons si vous seriez pour ou contre le fait de mettre ce type de bouée drôle, à votre bébé. C'est drôle, tu mets la bouée autour du cou. J'allais dire une horreur. Oui. Il risque de s'étrangler avant de noyer. Non, Carlo, on ne dérape pas. Non, tu ne dis pas. Dans le journal de la Conso Aurore, on fait ses courses. Mais oui, avec, vous savez, les systèmes Drive. Donc, soit vous allez chercher un point dépôt, soit carrément vous vous faites livrer vos courses. Eh bien, ça fonctionne de mieux en mieux. Tant mieux. Non, t'as vu le mec convaincu, quoi. Oui, oui. C'est vendredi, Isabelle, on va en profiter pour déstresser. On a quelques trucs pour ça. Oui, je vais vous faire ça. Vous reconnaissez ce bruit? Absolument pas. Tac, tac, tac. Ah, mais je tricote. Ah bah oui, d'accord. Et ça fait déstresser, tricoter? Ah, je vais vous apprendre. Tu me feras une écharpe? Pour non, la fin de l'année. Vous allez faire votre écharpe. D'accord, je vais faire votre écharpe. Oh oui, ça va, j'essaye. Une question du jour. Oui, on vous demande justement quels sont vos trucs et astuces pour déstresser, pour rester zen. Le chicon anti-stress. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'était les snuls qui avaient lancé ça, c'était un chicon que tu manipules. Voilà. Moi j'adorais le chicon anti-stress. Et à propos de chicon, on va pas parler de chicon, on parle de quoi avec vous? De quoi on parle? Je sais même plus. On parle de l'umami, la fameuse cinquième saveur fondamentale. Y a-t-il cinq saveurs? Y en a-t-il quatre? Y en a-t-il beaucoup plus? La question est posée. Et puis on accueillera une confrérie. Ça faisait longtemps. Oui. Celle du fromage de Herve. Ah ouais, On espère qu'ils ont du fromage au lait cru avec. Il y a intérêt, il y a intérêt. Si vous avez des choses à nous dire, on l'a compris, il y a la page Facebook, Aurore, mais il n'y a pas que la page Facebook. Non, il y a aussi le mail. Vous pouvez les envoyer à l'adresse pigeonpluriel@rtbf.be. Le répondeur est accessible au 070 222 660. Et puis vous pouvez envoyer des SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Tu veux de la musique? Il y aura de la musique. Madame tout le monde n'a besoin de personne. Patricia Cass est de retour avec Madame Tout le Monde et Peggy sera là aussi. Ma préférence va pour un des deux morceaux. Sauras-tu deviner lequel? Vous écoutez Vivacité sur On n'est pas des pigeons jusque 13h. Bienvenue tout le monde. Something more. groupe MOM sur Vivacité avec Aloha. Aloha, comme ils disent bonjour dans les pays où ils te mettent des colliers de fleurs autour du cou. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier en télé, on vous donnait quelques conseils pour bien choisir un parapluie sur la page Facebook. Vous avez aussi donné quelques bons plans. Oui, comme Frédéric qui nous écrit « Je vois de temps en temps des publicités pour les parapluies à l'envers, du style Umbrella. » Alors, je vois Isabelle vous froncer les sourcils, j'ai fait la même chose. Je suis allée voir ce que c'est. Eh bien, en fait, vous avez la toile du parapluie en dessous et la structure avec les baleines, elle est au-dessus et elle est renforcée. Donc, c'est un parapluie à l'envers. Je vous invite à aller voir. Et l'eau, elle tombe. Pas sur le parapluie. Non, ça fait, en fait, ça fait un grand tonneau noir. Et puis quand il est rempli, alors... ça te tombe dessus d'un coup. N'avez pas compris. Le parapluie, il est mis normalement vers le bas. Mmh. Oui. Hein, l'eau s'écoule. Mais la structure, au lieu d'être en dessous, est au-dessus de la toile. D'accord. C'est un peu le Pompidou du parapluie. Le centre. Avec la structure, oui, c'est ça. D'accord. Oui, le centre, oui. Parapluie. Oh là là, on va encore moins comprendre. Bref, cette si vous voulez voir, ça ressemble à Umbrella. Ça s'appelle Umbrella et vous verrez Umbrella, sur Internet. Umbrella, ça veut dire parapluie. Quoi, oui. En wallon. En wallon, c'est ça. Alors, Marie-Lou, elle nous dit qu'elle a acheté un parapluie sur un site allemand à un prix raisonnable. Il est conçu pour résister au vent. Bernard, un parapluie de la marque Blunt. De 130 cm de diamètre avec 6 baleines. À mon avis, il doit être ça fait beaucoup de plancton. Il résiste au vent de tempête et il coûte 69 €. Et puis Janine, à mettre tout le monde d'accord. J'ai horreur d'utiliser un parapluie, un bon imperméable avec un capuchon, ça me suffit. Pourquoi pas? Les salades cakes d'Esteban aussi ont remporté un franc succès hier. Sorte de gâteau légumes présenté en télé, ça a remporté un succès, mais ça n'a pas convaincu tout le monde pour autant. Ben non, pour Milva, il s'agit simplement d'un sandwich amélioré. Bah oui. Et puis ça séduit ceux qui ne mangent pas de viande. Comme Marianne qui nous dit d'ailleurs que c'est connu par les végétariens et les végétaliens. Dan et Christelle ne sont par contre pas séduits et disent respectivement Burke et Bof. Eh bien on répond à Dan et Christelle, tu remets ton Burke et ton Bof dans ton clavier et tu mets à la place parce que c'était très, bon. Très bon. Très très bon. Puis Raphaël hier a testé, c'est Maya qui parlait de la manière dont on peut raffermir son visage. Et Raphaël a mis un masque assez curieux sur sa tête, c'était un masque pour retendre, en gros c'est ça, hein, pour retendre la peau. Il y a eu un petit fou rire derrière. Petit. Je ne sais pas pourquoi. Et vous y avez été de votre commentaire aussi sur ce coup-là. Mais oui, comme le commentaire de Philippe qui nous écrit « À mon avis, ce masque fonctionne vraiment. Je suis certain qu'il retend bien la peau du visage, mais pas de celui qui le porte. Celle des personnes qui rigolent en le voyant. En tout cas, le mien s'est bien détendu durant l'émission. » C'est clair, c'est plus un masque pour aller dans des soirées un petit peu particulières. Mais c'est ça, oui. Autre chose, si vous avez... des commentaires à faire, n'hésitez pas, on est encore là pendant un petit temps, puis on est là tout le temps sur la page Facebook finalement. Mais oui, notre page On n'est pas des pigeons, elle vous accueille 24 heures sur 24, c'est comme le répondeur. 070 222 660, et puis si vous préférez l'écrit, il y a le mail pigeonpluriel@rtbf.be. Maroon 5 arrive après la pause, et puis on vous parle d'une nouvelle bouée pour les bébés. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Biome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. À Biome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, conditions automne à moins 30%. À Biome, fenêtres, portes, véranda. À biome.be. Salut, c'est Roméo Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 € et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher.

pas des pigeons. On dit souvent qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, tu peux le faire si tu mets une bouée au bébé. Hein, et il y a des nouvelles bouées qui arrivent sur le marché. Mais oui, une drôle de bouée. On connaissait les brassards, on connaissait les bouées classiques à mettre autour de la taille. On connaissait aussi les versions pour bébé en forme de petit siège avec deux trous pour mettre les jambes du bébé. Eh bien, voici à présent les bouées qu'on accroche autour du cou des bébés. Une élégante collerette qui va permettre au bébé de flotter tout en ayant une liberté totale des bras et des jambes. Alors, est-ce que c'est vraiment l'idéal pour les bébés? On a envoyé notre journaliste Bernadette Goffinet tester avec des bébés nageurs. Et ils en pensent quoi, les bébés nageurs, alors? Il y a quand même plusieurs points négatifs qui ont été relevés. Et ils ont une drôle de bouille. Hein. Ah, ils sont mignons. Ah, ils sont mignons sont avec leur grosse bouée autour du cou, c'est drôle. C'est vraiment chou comme tout. On a relevé que c'était un peu encombrant, quand même, cette bouée, puis que l'eau risquait de rentrer dans la bouche du bébé s'il se penche vers l'avant. Avec cette bouée, les bébés perdent aussi la mobilité de la tête, qui pourtant est très importante pour se diriger. Ils n'ont pas toujours non plus une bonne visibilité, sans compter que la bouée va exercer une pression en dessous des oreilles, ce qui peut perturber l'oreille interne et donc l'équilibre de l'enfant. Et puis la matière plastique au niveau du visage, c'est pas toujours très agréable. Ça se dégonfle. Non, c'est Carlo qui a un petit problème intestinal. Non, donc on laisse tomber, on la dégonfle la bouée, on la laisse tomber. Pas forcément en fait, parce que ces bouées sont plutôt conçues à la base pour les spas pour bébés. Oui, ça existe. Les bébés aussi ont droit à leur séance bien-être dans bien un sûr, spa, évidemment. Comme les grands. En tout cas, ça existe dans certaines villes. Le premier spa de ce type a ouvert il y a quelques années aux États-Unis et d'autres établissements ont suivi. Le but, c'est qu'en les laissant barboter avec cette bouée, on va relaxer les bébés, on va diminuer leur stress, on va finalement recréer les conditions de la vie intra-utérine pour qu'ils se rappellent de cette époque bénie où ils étaient dans le ventre de leur maman. C'est pas un risque d'allongement du cou? Ah non, on n'est pas non plus chez les femmes girafes. Tu peux essayer avec un pneu de voiture, par exemple, toi adulte, ce sera un peu proportionnel. Elle coûte combien cette bouée? Eh bien, celle qu'on a testée coûte 6 euros sur internet, mais il y a plusieurs marques qui proposent ces bouées de cou et les prix peuvent varier. J'en ai repéré par exemple à 35 euros. Ah oui, quand même. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces accessoires pour acclimater le bébé à la flotte? Vous avez un peu la même réaction qu'une maman qui se plaignait de tous ces accessoires, alors que selon elle, le meilleur accompagnement finalement, ça reste les bras pour prendre ce bébé et pour l'accompagner dans l'eau. Maintenant, c'est vrai que les accessoires permettent quand même de varier les exercices et les activités qu'on peut faire dans l'eau avec son bébé. Dans la piscine où on est allé filmer leur portage, ils ont une panoplie d'accessoires aquatiques. Ils ont des planches, des petits toboggans, des boudins, des tapis, toutes sortes de jouets flottants. Et c'est vrai que ça permet vraiment de varier un petit peu les activités. C'est la mode, les bébés nageurs. Je ne sais pas si vos enfants ont fait bébés nageurs. Ils n'ont pas fait les bébés nageurs, mais je suis allée toute seule avec ma fille très petite dans l'eau. Ouais. Et c'est vrai que si vous commencez très petit, il n'y a pas besoin de tous ces accessoires parce qu'ils n'ont pas encore besoin d'être rassurés. C'est quand ils sont un petit peu plus grands et qu'ils ne savent pas nager qu'ils ont besoin d'être rassurés. Mais si vous commencez tout petit, ils n'ont pas peur. C'est le parent qui a peur. Il y a les parents qui le font, puis il y a les séances effectivement de bébés nageurs. Mais est-ce que tous les bébés peuvent participer à ces séances? Dans ce club-là, le club en question, il faut avoir minimum 4 mois et répondre à 3 conditions, être en ordre des premiers vaccins, que le nombril du bébé soit bien cicatriser, puis avoir aussi un accord favorable du pédiatre. Pour vous donner une idée du prix, c'est dans ce club 13 euros la séance environ, et c'est pour 30 minutes. C'est pas mauvais de mettre plein de petits bébés dans une piscine, plein de pipi, plein de... plein de chlore... Les pipis, je ne sais pas. Mais oui, c'est pour le chlore. Mais oui, c'est ça, c'est pour éliminer tous ces pipis. C'est un débat sensible, en tout cas. Moi, j'en ai parlé avec le responsable de la piscine. Il explique qu'entre les piscines d'aujourd'hui et celles d'il y a 20-30 ans, finalement, il y a beaucoup de changements au niveau de l'utilisation du chlore. Les contrôles de la qualité de l'eau et de l'air sont permanents. Et aussi bien, d'ailleurs, pour préserver la santé des utilisateurs du bassin que la santé du personnel qui travaille. Oui, finalement, patauger dans l'eau, ça permet à tous les petits de se familiariser, finalement, avec l'eau. C'est ça, comme Aurore le disait, c'est l'occasion pour les bébés de faire le plein de découvertes, le plein de nouvelles sensations. C'est aussi un moment privilégié entre le parent et le bébé. Et puis, avec un petit peu de chance, on se retrouve sur l'une des pochettes les plus emblématiques de tous les temps, parce que c'est un petit bébé nageur qui est évidemment sur la pochette de Nevermind. Ah oui, de Nirvana, c'est vrai qu'il a quel âge, ton enfant? Il a 25 ans maintenant, il avait quelques mois et maintenant... Il a refait la photo. Oui, mais avec le maillot. Il a mis un maillot, parce qu'il ne faut pas non plus choquer les gens. Oui, parce qu'on voyait la nageoire dans... Oui, c'est ça. La petite nageoire. Risquait de tourner en rond, parce qu'il se porte à gauche. Et d'ailleurs, à propos de cette petite nageoire, on a voulu au départ cacher, justement. Ouais. Sur l'album. Sur l'album. Et alors, Kurt Cobain n'a pas voulu. Il a dit, au mieux, j'accepte qu'on mette un petit autocollant collé sur le vinyle, mais je ne veux pas qu'on masque. On reparle de ces collerettes en plastique qui sont gonflées autour des coups des enfants ce soir à la télé à partir de 18h30. Avec grand plaisir. On fait ça, Maya. Il y a Patricia Cass qui arrive avec son tout nouveau morceau. Et puis, le journal de la conso dans la foulée. Un

Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est 11h30 pile poil, on ouvre les gazettes du jour un peu tard. Vous me direz, pour s'informer. Mais en jamais même trop temps, tard. Jamais trop tard. Surtout qu'on en a retenu l'essence, le meilleur du meilleur. En tout cas, l'info conso. À lire dans la DH notamment que les conducteurs ne respectent pas assez les stops. Oui, 6 stops sur 10 ne sont pas respectés. C'est Touring qui le dit, selon l'association. C'est parce que les panneaux ne sont pas bien situés. Selon eux, un triangle en pointe serait souvent plus approprié qu'un stop. Touring demande donc que les autorités revoient leur forêt de panneaux de signalisation. Et des endroits où c'est beau, hein, effectivement. Vient d'eux, effectivement. Rappelons que si on brûle un stop, eh bien on risque une amende de 110 euros avec perception immédiate. Dans le meilleur des cas, sinon c'est un carton et ça c'est moins souhaitable, évidemment. En plus, oui. Dans la DH du jour, toujours un dossier sur le succès du drive dans les grands magasins. Oui, c'est ce système qui permet de retirer ses courses soit au magasin, soit à des points de retrait, voire de se les faire carrément livrer à domicile. Carrefour parle d'une belle progression des clients drive, sans donner vraiment de chiffres, mais avoue que ça reste marginal par rapport aux 650 000 clients qui passent réellement en caisse chaque jour. C'est beau. Ça me paraît beaucoup comme chiffre. Deleuze aussi multiplie ses points de retrait. En général, les clients choisissent le système d'enlèvement pour les grosses courses. Chez Carrefour, 90% des clients drive dépassent les 150 euros de course et du coup, eh bien, ils profitent de la livraison gratuite. Alors justement, quand on compare les prix du service auprès des différents magasins, donc la préparation de votre colis et éventuellement la livraison, donc il y a Carrefour, Deleuze, Colruyt et Wing qui pratiquent ça, eh bien, on voit que ça peut aller de 0 à 9,95 €. On poursuit avec le Belge qui consomme de plus en plus d'avocats. Oui, Carlo, vous nous en parliez la saison dernière. L'avocat est à la mode, les chiffres le confirment. Les ventes d'avocats ont augmenté de 80% en 2 ans, en tout cas chez Deleuze. L'explication, c'est donc l'engouement soudain pour ce que certains voient comme un super aliment, mais aussi le fait que les conditions de conservation et de stockage ont évolué et permettent maintenant d'acheter des avocats ready to eat. Eux, ils sont prêts à manger. Ils en font même un espèce de slogan dans le rayon, il y a ceux qui sont ready to eat. Ça me fait toujours un peu... Mais de toute manière, il vaut mieux manger un avocat avant pour éviter les problèmes après. C'est ça la pub, hein. Oui, c'était pas ça. Pas mal. Ah, ouais. On termine avec un nouveau magasin qui vient d'ouvrir ses portes en région bruxelloise, à Anderlecht pour être précis. Et on le présente déjà comme le temple de la couture. Oui, c'est Textilia, 2000 mètres carrés dédiés à l'univers du textile, une sorte de giga-mercerie magasin de tissus. On y trouve tout ce qu'il faut pour coudre à peu près tout. Et quand on sait à quel point la couture est à la mode, ça fera beaucoup d'heureux. Et pour ceux qui disent « Oh, c'est à Bruxelles », je vais vous répondre tout de suite non, puisque Textilia existe déjà à Farciennes, donc c'est près de Charleroi depuis quelques années. Mais le nouveau magasin qui a ouvert le 3 octobre à Bruxelles est bien plus grand et comprend vraiment beaucoup plus de références. La couture, je me tourne vers Isabelle, c'est bien ça pour être zen? C'est bien, mais je crois que le tricot, c'est un peu mieux. Ça dépend des personnes. Parce que la machine à coudre, elle fait des petites vibrations comme ça. Mais il faut coudre à la main. Le tricot, quoi qu'il arrive, des trucs pour être zen, on vous en parle dans quelques minutes. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Non mais tu l'entends, l'autre là, il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à conditions, plus d'infos sur skoda.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Le soir présente Passion des montres. 100 pages dédiées aux montres de l'année, aux nouveautés, aux fines mécaniques à petit prix. Ce samedi 8 octobre, prenez le temps d'un magazine gratuit avec Le Soir. Demandez-le à votre libraire. chez Thomas et Piron. Jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Pluie. Je résiste. Chaleur. Je résiste. Vent. Je résiste. Neige. Je résiste. Envahisseur. Je résiste. Eh bien, mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo. Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout. Rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'abri, Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow! I feel nice. The sugar and spice. Feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I Feel Good, c'était James Brown en 1966. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Ah ouais, ouais, c'est bien ça, être zen. Si on pouvait être zen tout le temps, ce serait le rêve absolu. Mais c'est pas facile. Isabelle, vous allez donc nous donner quelques trucs et astuces. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi vous êtes venue avec vos crayons de couleur. Atelier bricolage, là, maintenant. Et j'ai ma belle boîte de crayons de couleur. 24 crayons de couleur. J'ai aussi amené mon livre à colorier. Alors, on en a déjà parlé dans cette émission, un de ces livres à colorier pour adultes, qu'on appelle aussi mandala. Or, ce sont des dessins toujours assez compliqués, quand même. Mm-hmm. Hein. Et logiquement, en fait, ça vous permet de déstresser, de lâcher prise. Parce qu'il paraît que quand on s'applique sur un coloriage, eh bien, la respiration devient plus régulière, plus calme, et qu'on a une impression de bien-être qui s'installe durablement. C'est en tout cas ce que dit la société qui commercialise ces cahiers à colorier. Mais j'avoue que chez moi, ça marche pas mal. Mais c'est pas nouveau, ça existe depuis quelques années déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un secteur qui est en pleine expansion. Mais moi, je viens d'acheter le tout dernier livre à colorier. J'en ai entendu parler, j'adore. mon cahier d'injures à colorier. Oh, et si. En fait, on retrouve toujours donc ces dessins assez compliqués, ouais. Hein, quand même, mais au beau milieu ou dans un coin, quand vous avez colorier, y a une injure. Une injure. Ah, ouais. Ah, ouais, là, vous y a pouvez colorier oui. L'injure. Oh, mais... Donc ça va de. Allez, bon, là, moi j'ai des. Allez, c'est colorier lâchez-vous. Merde. Voilà, mais, oui, je mais, tu as colorié merde, mais en rose. C'est ben tout oui. Mignon. Alors c'est moi j'avoue mignon. Qu'en fait ce qui est chouette, c'est que quand vous coloriez, parce que j'ai testé quand même, quand vous coloriez, eh bien inévitablement quand vous coloriez l'injure, ça vous fait penser ou à une situation, tu penses à des gens, ou à une personne. Eh bien vous coloriez avec le sourire et vous envisagez la situation tout à fait autrement. Et donc, ça fait quand après même... merde, il y a quand même branleur sur la page suivante. Et puis après il y a quoi, c'est vrai que je venais. Bordel. Voilà, imbécile. Va oui, te mais... faire. Tu vas penser à qui en coloriant va te faire. Je ne vous le dirai pas. Ça coûte cher. C'est drôle. Oui, ça coûte c'est, cher, dire, ça. C'est une belle idée de cadeau. Tiens. Oui. J'ai payé 8,80 €. Et si on veut voilà, rester dans le traditionnel et ne pas avoir d'injures, ben, il y en a à partir de 6 €. Ça peut aller 10. Ça peut monter jusqu'à 20 € parce que parfois on vend les crayons de couleur ou quelques marqueurs. Donc bon, allez, on peut dire qu'il y en a pour toutes les bourses. C'est universel comme remède pour déstresser ? Maintenant, moi, perso, comme je vous l'ai dit, chez moi, ça marche. Mais il y en a que ça énerve terriblement. Donc, je crois que c'est à chacun d'essayer de voir si ça lui convient ou bien pas. Mais un petit conseil quand même, si vous vous y mettez, ayez suffisamment de crayons de couleurs différentes. Parce oui. Que moi, parfois, je me sens coincée. J'ai envie d'une couleur, je fais, oh, j'ai plus rien. Ouais, voilà. Il faut voilà. La grande boîte carandache. Elle est belle. Colorier, ça vous fait déstresser, ça, Carlo ? Moi, je me suis essayé à la peinture plusieurs fois dans ma longue existence. Sérieux ? Et oui, parce que voilà, peinture je... sur écharpe. Peinture sur. Parce que là, il est une écharpe un peu improbable. Non, genre que tu tout. Dirais que t'as raté un truc en fait. Non, c'est du défiguel, t'as rien ah, compris. Bien sûr. Pardon. Alors c'est normal. Et donc, mais moi ça me stresse. Ah d'accord. Parce que j'ai l'angoisse du dessin pas fini, donc je suis stressé, j'ai la température corporelle qui monte. Et ben voilà, si le coloriage ne convient pas à tout non. Le monde et en l'occurrence à vous pour déstresser, il y a pas d'autre truc ? Et bien voilà, je vous ai amené aussi aujourd'hui. Des aiguilles à tricoter et de la laine. Parce qu'il paraît que le tricot, c'est aussi le nouveau yoga. Et c'est fini l'image de ringarde, la mamie qui tricote. Aujourd'hui, on peut être jeune et tricoter parce que le tricot, ben, c'est un peu comme le coloriage. Hein. Ça occupe l'esprit, ça demande de la concentration, ça stimule aussi votre créativité. Et alors, dans un article qui est paru récemment, j'ai lu aussi que tricoter, ça augmenterait la production de dopamine et de sérotonine, donc les hormones du bonheur. Alors voilà, Sébastien. Mais attends, si je commence un tricot maintenant, tu veux que je te fasse quoi là parce que bah je... Vous faites une ligne à l'endroit. Non, mais non, j'y arriverai pas. Moi, je me rappelle de ma maman qui m'avait tricoté un pull quand j'avais 8 ans. Quand elle avait fini le pull, j'en avais 14. Autant dire que c'était plus vraiment la bonne taille. Moi, c'est à mon avis pareil. Eh, mais c'est joli, hein, t'as commencé quoi une ah, écharpe allez, rose. Je vous ferai une petite écharpe non, je rose. Non, je ne si sais pas faire. Bon, la même couleur que la mienne. Et perso, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les deux premiers trucs là pour déstresser, colorier et tricoter. Il n'y a pas encore quelque chose Allez, d'accord, je vous en donne encore un autre de mes petits trucs qui vous conviendra peut-être mieux. C'est une application que moi j'ai ici sur mon téléphone et elle s'appelle Respi Relax. C'est tout simple, hein. C'est une application qui vous apprend en fait à respirer. Et donc vous réglez la durée de la séance entre 3 et 9 minutes. Là, moi j'ai mis 5 minutes chez moi. Le nombre de respirations par minute et vous choisissez l'état dans lequel vous voulez arriver parce que vous pouvez avoir... équilibre, relaxant, dynamisant, par mort. Exemple. Arrêtez de respirer. Alors, je vous montre l'application. En fait, vous voyez, là, au milieu, vous avez une petite bulle, là, dans un tuyau. Ouais. Et en fait, quand la bulle monte... Il faut inspirer. Vous inspirez. Quand elle descend, vous expirez. D'accord. Moi, je trouve que ça va pas mal. Ça marche pas mal. Le seul truc, donc, vous n'avez pas besoin d'accessoires, de crayons de couleur ou bien quoi. Vous faut pouvez le faire au boulot. Faut 800 euros, mais bon. Voilà. Moi, j'avoue que parfois, quand je le fais au boulot, les gens me regardent un peu bizarrement en se demandant ce que je fais. D'accord. Mais ça aide. Ça fonctionne. J'ai deux trucs pour déstresser. Oui. C'est la mini-sieste. Mes mini-siestes sont bien connues au maquillage. Ah oui, ça c'est sûr. Car elle dure tout le temps. Voilà, la mini-sieste, si on arrive à se mettre dans un état de presque inconscience, c'est un petit peu d'entraînement, ça marche très bien. Et l'autre chose, on trouve de plus en plus des fichiers MP4 de relaxation, yoga, pleine conscience, etc. Notamment avec la voix de Bernard Giraudot, paix à son âme. Ça fonctionne pas mal. Maya ? Oui, je voulais dire que ton application, Isabelle, elle me fait penser au dodo qu'on avait présenté déjà dans cette émission, hein, qui projette de la lumière à intervalles réguliers sur lequel il faut calquer sa respiration pour tout doucement se détendre et puis s'endormir. Aurore, un truc pour déstresser ?

Capacité avec le titre Soul. Puggy qui, comme Patricia Cass tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle sera en direct et eux aussi seront en direct de la soirée, grande soirée de clôture Cap 48 ce dimanche sur la Une et sur Vivacité. C'est du dessert, ça, Cato. J'ai dit manger. Concert saucisson, compris. Attention, tout de suite. Sinon, boum. Ah voilà, boum. Ils ont dégoupillé. Ah, hein. Oh, ça pue. Ils ont dégoupillé. On a en studio la confrérie du fromage de Herve. Bonjour, messieurs. C'est pas la confrérie. Luc Enrard, vous êtes le grand chambellan de la confrérie du Herve. Oui, la confrérie du Herve, c'est exact. Et non, la confrérie du fromage de Herve. Autant pour moi, et on fête un anniversaire. 20 ans de l'AOP. Tout à fait. Donc AOP, Carlo. Appellation d'origine protégée, la seule appellation d'origine protégée fromagère en Belgique, en attendant que d'autres soient intégrés. Mais pour le moment, c'est la seule. Donc 20 ans, ça se fête. 20 ans que vous avez parlé de dégoupiller ce fromage. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on a demandé si on vous l'ouvrait là en studio, vu que c'est une atmosphère. J'aime bien dégoupiller. Oui, alors ça ne sent pas mauvais, ça sent fort. Ça sent fort. Ça ne sent pas mauvais, sent fort. Et le fromage de Herve a cette particularité qu'effectivement, il sent plus fort qu'il ne goûte, comme on dit souvent, hein, Carlo. Mais oui, et puis le fromage de Herve, il faut le signaler, à chaque fois qu'on en parle chez nous, c'est un produit qui est en voie de disparition. Il y avait des centaines de producteurs de fromage de Herve dans la région de Herve il y a encore quelques dizaines d'années. Il n'y en a plus que trois, je pense, qui sont recensés, dont un très très gros qui est Herve Société, qui fait du fromage de Herve au lait pasteurisé. Mais aujourd'hui, grâce à nos amis, on a aussi du fromage de Herve au lait cru. Je vous invite à goûter la différence parce que c'est très différent. Et c'est lequel ? Oui, c'est lequel Alors, c'est celui, à mon avis, c'est celui-là. C'est lequel, Luc ? Je ne les ai pas goûtés, personnellement. On vient de les déballer. Vous avez fait des gros morceaux, les gars. Mais le Herve au lait cru qu'on vous a amené, il est vraiment à la limite de la date limite de consommation. Et c'est comme ça que nous, on l'aime, c'est-à-dire quand les arêtes plient et que le cœur est tout à fait fait. Donc, il a beaucoup de chance que, comme c'est déjà piquant à l'origine, il soit beaucoup plus fort en bouche que les deux autres qu'on vous a amenés. Je confirme. Il est très fort en bouche. Pour les 20 ans, il y a des trucs qui se passent ? Tout à fait. Donc, il y a un programme qui est sur 3 jours, en fait, qui est avec l'accueil le vendredi des délégations AOP. Donc, on va associer différentes AOP d'Europe aux 20 ans du Herve. Samedi, repas des différentes délégations. Donc ça, c'est ce week-end ? Non, vendredi. Non. C'est le week-end du 11, 12 et 13 novembre. D'accord. Mais ça, c'est pour les initiés. Maintenant, si le consommateur que je suis veut aller se balader dans le coin de Herve, est-ce qu'il y a des festivités quelconques ? Il y a un marché hebdomadaire et qui sera assez particulier le samedi 12, justement, parce qu'il y aura tous les producteurs AOP invités qui participeront à ce marché, et évidemment les confréries locales, etc. Question sur le fromage de Herve, parce que j'ai la bouche pleine, j'ai un peu le mal. C'est bon. Mais, oui, et puis quand même, rappelons que le fromage de Herve, c'est quand même un produit de patrimoine. Moi, je répète toujours la même chose, c'est en train un peu de disparaître sous nos yeux. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous faites pour que ça reste vivant ? C'est vrai qu'à la sortie de la guerre, il y avait 5000 tonnes produites et il y en a plus ou moins 500 actuelles. Ah oui, il faut dire aussi qu'on se alors que le Munster en France, qui est un fromage de la même famille, lui, il cartonne. Ouais. Il est un peu de Dieu. Mais nous, on se bat effectivement, mais tout azimut, y compris en France, etc., pour défendre nos valeurs. Après, on est quand même confronté à un problème qui est de transporter le fromage de Herve quand il est à maturité. C'est-à-dire que pour moi, un fromage tel que vous l'avez de Madeleine là-bas, bah, il doit être à 8 semaines, quoi. Et pas à 3 semaines, sinon vous avez quelque chose de crayeux, etc. Maintenant, le senteur d'antan, c'est quelque chose de plus doux, qui est peut-être destiné à un public un peu plus jeune ou qui serait un peu réfractaire aux herbes de caractère. Nous, évidemment, on est un peu comme nos fromages, donc on est toujours un peu piquant, on est toujours à la limite du tolérable. Vous vous sentez meilleur, hein? Non, mais je tiens à vous le dire. C'est parce qu'on est de l'autre côté du studio. Mais... en bouche, franchement. Et alors, pour réhabiliter le fromage de Herve, incorporons-le aussi dans des recettes, c'est vraiment très très bon. Mais notamment un risotto au Herve et au chicon, ça marche très bien. Étonnant, c'est vrai qu'il y a plein de recettes qui vont avec. Hein. On a fait pour l'ouverture des fêtes de Wallonie 8 petits zakouskis à Herve qu'on a présenté aux ministres, députés, etc. Dont une brunoise aux groseilles à base de Herve, etc. Dont aussi une glace au Herve et tout. Et les résultats ont été qu'on en a redemandé aux traiteurs qui faisaient ça parce que c'est exceptionnel. Maintenant, c'est sûr que la dominante, ce n'est pas le Herve. Il parfume légèrement le plat. Après, il y a des trucs plus classiques comme les croquettes ou herves et d'autres choses. À côté du herve, un produit aussi qui existe en version industrielle, mais encore en version artisanale, c'est le sirop de pommes et de poire, qu'on appelle parfois sirop de Liège en référence à la marque. Mais sinon, le sirop de pommes et de poire, ancien système, d'ailleurs c'est marqué ici sur la boîte, ils sont en train de se battre, eux, pour obtenir une IGP. Et c'est fait avec des pommes et des poires d'arbres dits de haute tige. Et ça, c'est un vrai morceau de patrimoine. Mais c'est étonnant qu'il y ait quand même cette AOP, que ce soit la seule au niveau fromagère. C'est super étonnant. Et c'est dommage qu'on ait autorisé, pour moi, ça c'est vraiment un avis personnel de chroniqueur, par contre, qu'on ait autorisé le lait pasteurisé dans une appellation fromagère, ce qui en France n'arrive pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je savais. Je suis. Mais je dois représenter. Je suis architecte, donc je ne suis pas fromager. Je suis neveu d'un fromager qui avait vraiment une belle fromagerie sur la place, etc. Je participe par contre au jury de. Enfin, à l'Office des promotions des fromages wallons, hein, qui est le concours national d'Arzé, etc. Et à l'aveugle, pour une vingtaine de spécialistes, est sorti ces deux dernières années, alors qu'il y a du lait, enfin, il y a du lait cru, que ce soit du herve, de l'autre, etc. Et le pasteurisé, je vais dire, est ressorti deux fois. C'est pas qu'on soit pour le pasteuriser, mais quand vous avez 116 fromages, je peux les montrer ici, et tout, et qu'il y a un fromage qui ressort après différentes épreuves avec 51% des voix, c'est que c'est un fromage qui a des qualités. Après, mais bien sûr, mais quand vous n'avez qu'un seul producteur au lait cru, ça devient difficile de faire des compètes. Non, parce que les fromages au lait cru étaient dedans aussi, et il y en avait d'autres qui étaient du herve, parce que la catégorie, c'est pas herve, c'est fromage, je vais dire, à croûte lavée, pâte molle et croûte lavée. Donc la caractéristique, elle est plus large, donc il y avait 26 candidats, et ça, je peux faire passer les photos, vous verrez que c'est un peu... Ce qui est formidable dans ce produit, c'est que c'est un produit qui déchaîne encore les passions, et c'est ça qui est chouette, parce que c'est un vrai produit de patrimoine, donc on est tous d'accord là-dessus. C'est du vrai produit de terroir, c'est vrai. Oui, il faut se battre, les crus ou pas, il faut quand même se battre. On est d'accord, à la limite, on s'en fout, mais... Non, on s'en fout pas, mais je veux dire, quand tu dois dire, il y a quel produit de terroir en Belgique, tu penses quoi? Chicon, tu penses... Fromage de herbe. On pense à ce genre et de choses. La boulette de Nivelles. Ça, c'est plutôt bien de maintenir ça, d'où toutes ces manifestations. Il y a un site qui va reprendre le toutes les manifestations. On le retrouve sur le site de la ville de Herve, parce que la ville est à l'initiative, je vais dire, des 20 ans de l'AOP. Donc, on a parlé du samedi, il y aura le dimanche aussi des manifestations. Donnez les dates, parce que dimanche, quelle date? Donc, on est toujours le 10, 11 et 12. Et il y aura une plaquette qui sera éditée reprenant l'événement moteur, c'est-à-dire qu'il y a 20 chefs étoilés qui vont faire une recette au herbe, en fait, le mettront en promotion dans leur, dans leurs différents restos. Ah oui, ça c'est alors, étonnant, quand vous voyez le nom des... Moi, j'étais un peu sceptique quand j'ai vu le nom des restaurateurs, Hoofd van Cleef, Peter Goossen, enfin, le Chalet de la Forêt, Sigrill, comme chez soi. Des grands noms, quoi. Chez Bruno. Très, très grands. Etc. Des très, très grands noms de la cuisine belge qui vont quand s'attaquer. Quand Pierre-Yves m'en a parlé, le bourgmestre, j'ai dit waouh. Et tu vois, il me dit c'est faux, je les ai tous. Donc, ça peut être très très étonnant, effectivement, si en plus ils en font la promotion dans leur resto respectif, donc on va retrouver ça un petit peu partout en Belgique, ça vaut peut-être la peine. On rappelle le site internet pour retrouver toutes les infos concernant ces manifestations sur le site de la ville de Herve, herve.be, je présume, le fromage de Herve qui fête les 20 ans de son appellation d'origine protégée, fromage de Herve qui est très bon, et qui franchement, sent très fort. À redécouvrir. Et toujours. Est-ce que quelqu'un a du dentifrice pour la suite de cette émission, s'il vous plaît? 3, 4. Pomme de Renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapis, tapis lif. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée. Venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Nouveau, comme à Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comme à Casa. Apportez un peu de chaleur. C'est encore moi, Hip, prêt à découvrir des promotions phénoménales? Alors les offres de génie de votre hypermarché Carrefour sont faites pour vous! Jusqu'à demain, à l'achat de deux pots de Nutella de 825 grammes, bam! Le troisième est gratuit! On n'a jamais vu ça! Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. En criant, en marchant, en distribuant des tracts, c'est une journée d'action syndicale un peu partout dans le pays. Plusieurs manifestations. À Wavre, la commune de Charmichel, les manifestants ont d'abord fait beaucoup de bruit, tapant sur des tonneaux. Tous les syndicats sont représentés et au total, entre 2 et 3 000 personnes semblent avoir répondu à l'appel des organisations. Le Premier ministre n'est pas là, mais les manifestants se sont arrêtés devant l'hôtel de ville. Écoutez Michael Novelli, secrétaire régional de la CGSP. Toujours les mêmes messages, puisqu'on n'est de toute façon pas entendu. L'austérité, on en a marre, et il faut qu'on sorte de ces difficultés, on est conscient de ça. Mais ce n'est pas en tapant et en allant chercher l'argent dans les poches des allocataires sociaux, des fonctionnaires, des petits, qu'on va s'en sortir. Il faut qu'on réfléchisse à autre chose, à une autre fiscalité, à des réflexions bien plus larges, et qu'on aille chercher l'argent où il est là, où il est vraiment. Alors, les actions se multiplient au fil des mois, mais on a l'impression que côté gouvernemental, on est inflexible. Tout à fait. Et c'est ce que les syndicats constatent de plus en plus, c'est que la concertation, il n'y en a pas, puisqu'ils ne veulent pas concerter. On est vraiment dans une politique de l'autruche. On ne veut pas entendre la voix des travailleurs, la voix du peuple, qui dit non, mais on continue toujours dans la même voie. Des propos recueillis par Jean-Claude Hénuy et Michel Servet. À Charleroi, plusieurs centaines de personnes là se sont retrouvées devant les barrières de l'usine Caterpillar à Gosselies. Des manifestants sont aussi allés crier leur colère devant le bâtiment d'Agoria à Charleroi. Agoria, la fédération des entreprises technologiques. À l'intérieur, ils ont dévidé un extincteur sur une employée, aspergé aussi plusieurs bureaux et ordinateurs. Le calme est revenu, les manifestants sont partis. Rassemblement également devant le siège d'ING à Bruxelles et ailleurs dans le pays. 200 agences ING sont fermées. C'est une journée d'action, mais dans plusieurs secteurs. Perturbations également dans les bus tech. À la SNCB, ça roule. Les perturbations sont aussi signalées dans plusieurs administrations communales et autres services publics, comme à la Poste. Le bilan est lourd. Deux voitures se sont violemment percutées ce matin à Lessines sur la route de l'école. Un choc terrible. À bord de l'une des deux voitures, une dame, probablement la maman et trois enfants. Un seul a survécu, il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Les deux autres sont âgés de 5 et 9 ans. L'autre conducteur n'a rien, mais sa voiture était plus imposante. Cela dit, il est profondément choqué. L'ouragan Matthew atteint les États-Unis. En Floride, des consignes d'évacuation ont été données. Les commerces ont fermé les magasins, les gens restent chez eux et attendent, après avoir dévalisé les boutiques pour faire des provisions d'eau, de piles ou d'essence. Écoutez ce témoignage, celui de Thierry Beau, c'est un Français qui possède plusieurs restaurants à Palm Beach. Nous avons eu l'ordre d'évacuer. Nous avons fermé tous nos établissements aujourd'hui. Et puis, on est aussi conscient que tous nos employés et leurs familles ont eux aussi besoin de préparer leur maison, de préparer leurs achats, parce qu'il y a une très très grande chance que nous soyons sans électricité pendant plusieurs jours, peut-être semaines. La première nécessité, c'est l'eau. Hein. Tout le monde se rue vers l'eau. Dès qu'il y a une alerte aux ouragans, c'est la première chose qui part sur les étagères des supermarchés. En ce moment, on est un petit peu inquiet. On est souvent en Floride, pour les gens qui ont habité longtemps en Floride, on a souvent de fausses alertes. Donc on est toujours un petit peu, ça va encore passer au large. Mais cette fois, ça vient quand même assez directement. Donc on est inquiet parce qu'on connaît aussi, d'un autre côté, on sait aussi les dégâts que ça fait. Nous-mêmes, nous restons chez nous. Nous avons la chance d'avoir une maison moderne qui a des volets anti-ouragans. Donc on se sent assez protégé. Témoignage recueilli par nos confrères de France Info et cet ouragan a aussi fait au moins 122 morts lors de son passage sur l'île d'Haïti. Il n'était pas parmi les favoris. Le prix Nobel de la paix est attribué au président colombien Juan Manuel Santos pour ses efforts en vue de mettre un terme à la guerre civile dans son pays. Effort freiné par le non de la population il y a quelques jours. Les Colombiens ont rejeté l'accord de paix avec les FARC pour mettre fin à 52 années de conflit. Mais cela ne signifie pas nécessairement que le processus de paix est mort, déclare la présidente du comité Nobel. Le président colombien, lui, se dit bouleversé et reconnaissant. On va partir sur les routes et les suites de cet accident à Lessines, toujours Jean-Marc Strel. Effectivement, il s'agit de la N57 Soigny-Lessines, autour de Lessines, au kilomètre 20. Cette chaussée est toujours fermée dans les deux directions. Des ralentissements suite à des travaux sur le 25, aussi Maastricht-Liège, entre Visée et Churat, uniquement vers Liège, entre la frontière et Churat. Et puis un accident impliquant un camion s'est produit sur la N5 Couvain-Charleroi, hauteur de Jamagne. La bande de droite est neutralisée, prudence, en direction de Charleroi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et on continue avec l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Je vous envie, vous qui nous écoutez à la radio, parce que si vous étiez dans ce studio, il y aurait une légère odeur, genre on a les doigts qui sentent les pieds et on refoule. On a mangé beaucoup de fromage de Herve pendant les infos. Mais à juste titre, parce qu'il est bon, on est d'accord. On continuera de parler alimentation avec vous, Carlo. Oui. Et le cinquième goût, c'est quoi le cinquième goût? C'est le goût du Herve. Mais je me disais aussi, là, C'est le goût orteil. C'est mais quoi non, le c'est l'umami, ça veut dire savoureux en japonais. Les autres goûts, c'est quoi? Mais salé, sucré, d'accord. Amer, acide. Mais on verra ensemble que peut-être il y a beaucoup plus que 5 goûts. Donc le cinquième goût serait le goût umami. On verra ça dans quelques minutes. Il y aura le tip-top des infos concons, des infos sociaux, les cas résolus avec Annie. Et on n'oublie pas la question Facebook, Aurore. Oui, on vous demande quels sont vos trucs et astuces pour être zen et rester zen. Dites-nous tout sur la page Facebook On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeonpluriel@rtbf.be. Envoyez un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Et laissez un message sur le répondeur 070 222 660. On rajoute un peu de musique. Ouais, celle-là je veux bien. James Blunt fera partie de la programmation musicale, ainsi que Céline Dion. Encore 53 minutes si tu veux être précise ma grande. C'est On n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. sur Vivacité avec Don't Be So Shy. On n'est pas des pigeons. Restons dans la cuisine. Les distributeurs ne savent apparemment plus quoi inventer pour épicer nos plats. Carlo, ils proposent maintenant la poudre umami. J'attendais ce moment depuis... C'est pas nouveau en même depuis temps. Lundi. Ça n'est pas nouveau. C'est quoi cette poudre umami? Alors oui, c'est Deleuze en effet. Oui, effectivement, il y a 2-3 ans, c'était la pâte umami qui s'était invitée chez Carrefour. On trouve encore dans pas mal de pays d'Europe des pâtes qui se revendiquent umami. Alors effectivement, c'est très difficile parce que si l'umami est vraiment un goût, c'est très difficile de l'emprisonner dans une poudre. On a fait un petit reportage que vous verrez tout à l'heure en télé, on a fait une petite dégustation et notamment on est allé chez des restaurateurs d'un restaurant japonais qui s'appelle Umamido en région bruxelloise. Ils sont également présents en Flandre et ils font des soupes de nouilles, des soupes de ramen, je vous ai déjà parlé de ce genre de choses, qui est vraiment un des ingrédients, un des plats qui probablement contient le plus ce fameux cinquième goût umami. On leur a fait goûter l'affaire. Alors, je vous dis tout de suite, ils n'ont pas été spécialement emballés. Alors, Deleuze vend dans ses rayons deux poudres umami, une poudre sous sa propre marque où il n'y a surtout pas grand-chose, c'est-à-dire de la poudre de tomate et beaucoup de céleri. Donc, tu as un peu l'impression que c'est le bon vieux sel au céleri qu'on te mettait avec les cubes de gouda à l'apéro. Voilà. Et ils se vendent aussi sous la marque Santa Maria, qui je pense est en exclu chez eux, où là, par contre, ça devient intéressant. Il y a de la tomate, de l'oignon, de la poudre de sauce soja, de la poudre de sauce poisson. Et donc voilà, c'est là peut-être que se trouve ce fameux cinquième goût. Qui... Tout le monde a ce cinquième goût. Alors enfin, tout le monde peut là, le sentir. À partir du moment, ce cinquième goût, ça veut juste dire savoureux en japonais. Alors oui, à partir du moment où en fait, nous sommes capables de ressentir la longueur en bouche, la plénitude, ce goût typique. C'est un goût de la civilisation, c'est le goût de la viande grillée, c'est le goût de la fermentation, cet excellent fromage de herbe qu'on a mangé. Eh bien, il est umami, parce que ce sont des produits, le parmesan, la truffe, les champignons, la tomate, on l'a déjà dit, le bouillon, ce sont des produits riches en acide glutamique, qui est le produit d'ailleurs qui se retrouve à l'état de synthèse dans le fameux glutamate monosodique dont on parlera une autre fois, parce que sinon on va avoir plein de courriers pour nous dire « je suis allergique au glutamate ». Alors, le goût, c'est plein de choses. Il y a une chercheuse française qui s'appelle Annick Fourion qui a démontré, ou qui a essayé de démontrer depuis les années 70 déjà, que le goût c'est bien plus en fait que 4 ou 5 saveurs fondamentales. Il y a des tas de nuances et surtout cette fameuse géographie de la bouche qu'on essaye de nous vendre depuis Brillat-Savarin, donc depuis 2 siècles, où on dirait que le sucré est devant, l'acide est derrière et la mer est à droite ou à gauche. Eh bien, ce serait un tout petit peu du vent. On a plein de récepteurs qui sont capables de saisir plein de nuances. Pensez à quelque chose, pensez à la réglisse, pensez à l'anis, pensez à l'artichaut. Ce sont des choses qui excitent ta langue, sans forcément, et qui excitent aussi ton olfaction, mais donc c'est aussi du registre du goût. Et puis, dans ta face, il y a aussi quelque chose. Non, qu'est-ce qu'il y a dans ta face? Quoi? Le nerf trijumeau. Et ce nerf trijumeau, que vous verrez tout à l'heure dans un magnifique diagramme... Vous avez amené vos cours de science, en plus. Cours d'anatomie. C'est un truc qui te fait sentir le froid de la menthe, le chaud du cognac, l'astringence, hein, quand on a goûté un petit peu de vin, vous sentez les tanins, etc. Tout ce qui racle un petit peu dans la bouche, tout ce genre de choses, on le sent grâce au nerf trijumeau. Et tout ça participe de l'expression de tout cet ensemble, je vais y arriver, des goûts, et pas que l'olfaction. C'est autre chose, bien entendu, l'olfaction, ça complète. Mais donc, nos organes pour recevoir le goût, ils sont très très variés. Alors, umami, je veux bien, umami en poudre, oui, je veux bien, mais je rigole doucement. Oui, parce que si ça a le goût de sel de céleri, c'est un petit peu bête. Si on veut manger un truc goût umami, on fait quoi alors? Alors, effectivement, on explore un peu les cuisines de l'Asie, mais simplement, mange des tomates, mon amour. La sauce soja. Oui, mais alors, mange des tomates nuit et jour. Nuit et jour, bien sûr. Parce que ça te donne bonne mine, c'est plein de vitamines. C'est bon pour la BC, c'est bon pour la santé. Exactement, surtout quand elles sont mûres, c'est un peu la fin. La sauce soja, la sauce poisson. Le condiment marmite que les Anglais... Ah oui. Ce truc très très fort, qui rappelle un peu la consistance du sirop de liège, mais qui n'a pas le goût. Mais qui n'en a pas le goût, et qui est en fait un extrait de levure, est un exhausteur de goût absolument incroyable. Le parmesan, les champignons, shiitake, et surtout, cet incontournable de thon américain, frites, la sauce anglaise. Et donc, c'est en jouant avec ces choses-là, avec ce genre d'ingrédients, qu'on va créer cette umami qui a un peu cette longueur en bouche de l'intérieur, si je puis me permettre. Et tout à l'heure, je sais déjà que vous allez faire des grimaces, mais je vais vous apporter une soupe japonaise, la soupe miso. Et dedans, il y a la fameuse pâte de haricots fermentés, la pâte miso. Il y a aussi le dashi qui est obtenu avec des copeaux de bonite pour faire un bouillon au goût poisson. Tu sais vendre tes plats. Oui, oui, oui. Ça, et il y a des algues wakame. Je serai pour toi un cocktail de bonheur. Et donc, vraiment. Mais par contre, vous serez obligé de reconnaître qu'au niveau de la longueur en bouche et de la plénitude de la saveur, c'est assez intéressant. Le goût umami ce soir à la télé à partir de 18h30. Exactement. Avec une bonne sous-soupe. Avec une bonne sous-soupe. On en a de la chance. Tu vas avoir bon. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi, en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest Genial New Car, je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous avec les sourires et sans trébucher. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore Nearly New Car de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Vous aimez les Volkswagen? Nous, chez Percy Motors, on les adore. Percy Motors, le service d'abord. À Wavre. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée. Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts the spark in our bonfires. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. someone that starts the spark in our bonfire hearts. Avec le titre Bonfire Heart. L'heure est au bilan, les amis. Bilan des cas résolus par Annie pendant cette semaine. On commence lundi avec Jean-Pierre qui nous a expliqué qu'il avait répondu à une offre pour recevoir des échantillons gratuits de vitamine d'oméga 3. Le souci, c'est qu'il s'est retrouvé abonné à la société Pharmax alors qu'il ne le souhaitait absolument pas. Il a envoyé des mails, rien n'y a fait. Heureusement, Annie est intervenue et a reçu, elle, un petit mail de la société. On écoute. Nous arrêtons l'abonnement de monsieur voilà. Jean-Pierre et nous créditons sa dernière facture. Affaire. Finalement, c'est la bonne nouvelle. Réglé. Voilà. Mais donc, réglée. Méfiez-vous de ce qui est gratuit, ce qu'on vous annonce par téléphone, etc. Mardi, Françoise était bien embêtée avec une litière robot achetée sur Internet. En gros, c'est une litière qui se nettoie toute seule. La société l'a prévenue qu'il n'était plus possible de livrer l'objet, mais Françoise attendait toujours le remboursement de la litière. Mais ça, c'était avant qu'Annie n'intervienne. Pour 360 euros, elle va les récupérer. Alors monsieur, écoutez, en Belgique, nous, on ne travaille plus avec des chèques. Est-ce que c'est possible de faire un versement sur un compte ? Ben oui, bien sûr. Et donc, on peut vous transmettre sur votre adresse mail le compte de la cliente ? Oui ? Bien sûr. Écoutez. C'est très bien. Et vous avez l'intention d'effectuer le virement quand ? Dès que j'ai votre ribbon. Alors hier, on a aussi donné un petit coup de main à Jacqueline qui a reçu un bon d'achat de plus de 60 euros au magasin Desigual du Basilic Shopping Center, c'est à Bruxelles. Le souci, c'est que le magasin a fermé ses portes depuis et elle n'arrivait pas à l'utiliser, ce fameux bon. Annie a pu joindre le gérant du magasin qui a ouvert un autre magasin dans la région de Charleroi et on lui a demandé si Jacqueline pourrait quand même utiliser ce bon d'achat. Oui. Ah, et pourquoi nos clients de Basilix vont pouvoir l'utiliser à l'autre magasin de Charleroi. Maintenant, il faut juste savoir qu'effectivement, il s'agit d'une franchise et de plus qu'il ne s'agit pas de la même société, d'où la problématique des bons d'achat. Eh bien, après coup, vous savez quoi, Jacqueline, elle a reçu un mail, elle a reçu un appel de Barcelone, de la société Desigual, qui lui a envoyé un bon qui sera valable où elle veut, et elle recevra même un petit dédommagement par courrier postal. Comme ouais, quoi, pas mal, il y a moyen de régler les choses. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez un souci avec une marque, un service après-vente, un entrepreneur, quoi que ce soit, finalement, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail. On tentera de vous aider. Oui, l'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi, si vous préférez le téléphone, nous raconter votre histoire sur le répondeur 070 222 660 et vous expliquer bien de quoi il s'agit en laissant aussi un numéro de téléphone. Je n'ai plus rien à faire à part te garder. Toi, mon invité, je n'ai plus qu'à te suivre, à toi de placer pièce d'or ou de cuivre ton soleil d'été. Je me rends compte depuis la rencontre pourquoi j'ai attendu la neige ou la fonte, ton heure sur ma montre. Bienvenue, bienvenue. Plus rien ne compte depuis la rencontre. Je ne veux rien de plus. L'honneur ou la honte, de toi je te montre ton étoile apparue. Bienvenue. Je n'ai plus à défaire, ni même j'ai passé la frontière, moi, ton passager. Je n'ai plus qu'à te vivre, le jour s'est levé.

Les titres de l'info avec vous, Manu Delporte, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, à 13h. On verra comment se passe cette nouvelle journée d'action syndicale. Vous le savez, une manifestation est en cours à Wavre. Il y a 3000 personnes dans les rues de la ville du Premier ministre. Il y avait du monde aussi chez ING ce matin, en tout cas devant le siège social de la banque, pas dans les agences. 200 agences au moins sont fermées aujourd'hui. Il y a eu du grabuge aussi du côté de Charleroi. Des travailleurs de Caterpillar sont allés rendre visite à Agoria, la Fédération des entreprises technologiques. Certains travailleurs ont pénétré dans les bureaux. Ils ont détruit du matériel, jeté des papiers et un extincteur a été vidé. Le gérant de la résidence service de Gosselies, mise sous scellé hier et sous les verrous aujourd'hui, il est inculpé de faux, usage de faux, abus de confiance. Les 46 résidents de la résidence service, eux, sont relogés. Ils ont vécu l'enfer sur place. On y revient dans le journal de 13h. On connaît le nom du prix Nobel de la paix, c'est le président colombien Juan Manuel Santos. Il s'est dit bouleversé et reconnaissant vis-à-vis du comité Nobel qui lui a remis ce titre. Et s'il l'a reçu, ce prix Nobel de la paix, c'est pour son engagement dans le processus de paix, justement, avec les rebelles des FARC en Colombie. Le pays était en proie à la guérilla depuis plus de 50 ans. À 13h, on parle aussi bien sûr du match des Diables contre la Bosnie-Herzégovine. C'est chez nous que ça se passe. C'est pas gagné contre cette équipe. En plus, les Diables vont devoir se passer de quelques pointures. Mais Toby Alderweireld est assez confiant quand même. Les remplaçants sont à la hauteur. Il nous le dira dans une demi-heure. À tout à l'heure, 13h, Manu. Vivacité. On n'est pas des pigeons. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Love to- Adèle sur Vivacité avec le titre « Send my love to your new lover ». Deep Top. Un que tu l'attends en ce moment avec impatience, auditeur adoré. C'est le tip top des infos concon, des infos soso, le pire du meilleur qui traîne sur le web. En matière d'infoconsommation, il y a de l'étude universitaire, il y a de la recherche. Est-ce qu'on a le con de la semaine ? Non. Non, pas cette Par semaine. Par contre, il y a l'invention de la semaine. Ah. Le truc qui va révolutionner plein de choses. On y va, c'est parti. Numéro 5. On va commencer avec une étude de l'université de Gand. C'est assez interpellant, qui dit qu'un enfant flamand sur 3 veut faire régime. Il veut, mais il veut pas. Mais c'est déjà interpellant. Hein. 12 à 13% des enfants de l'école primaire s'inquiètent au moins une fois par semaine de leur régime alimentaire, de leur poids et de leur apparence, alors que la large majorité de ces enfants n'ont aucun problème de poids. C'est, moi, je trouve ça interpellant. Mais oui, c'est fou ce qu'on arrive à leur mettre en tête avec nos propres interrogations. Internet, les magazines et tout ça, c'est un peu tôt, surtout qu'il n'y a pas de problème à la base. Moi, je trouve ça interpellant. Non, pas vous ? Si. Oui. C'est vrai qu'ils essaient de répondre à certains critères qu'ils voient partout. Dans les magazines. Oui, et puis ils entendent maman et papa qui font régime. Bah, ils veulent faire la même chose. Oui, mais c'est quand même interpellant. On est d'accord. Oui. Bon, les quatre. Numéro 4. On reste en Flandre, à Bruges. Un avis de recherche a été lancé par les propriétaires d'un hôtel. À votre avis, cet avis de recherche... C'est quoi ? Le peignoir dans une chambre. Vous savez, on pique non. toujours. Quelque... Ça. Non. C'est quelqu'un qui avait oublié quelque chose sur le comptoir du bar de l'hôtel. Un enfant. De très personnel. Ah oui. Un vibromasseur. Oh, dis-tu, calme ou tout de suite ? Bah, je sais pas, dans un hôtel, un truc Encore personnel. Encore plus personnel que ça. Non, pas ses lunettes. Non, son dentier. Oui. Ah voilà. Quelqu'un qui a oublié son dentier sur le bar. Faut qu'on m'explique, parce que là, je comprends pas tout. Alors, il y avait une photo sur Facebook et tout. C'est un très, très beau dentier. Mais bon, personne ne s'est manifesté. Est-ce la honte ? Ou alors un touriste de passage qui est reparti dans son pays ? Je n'en sais rien, mais c'est particulier quand même. Oh oui. Retrouver un dentier sur un bar. Faut être loin quand même, ou alors faut être resté très très très longtemps au bar. Il a fait mal aux gencives, voilà. Je n'en sais rien. Numéro 3. On va parler de Victoria Beckham, l'ex Spice Girl, tu te rappelles ? Oui. Ah ben, à l'occasion de la sortie de sa ligne de maquillage, Victoria Beckham a partagé son astuce pour avoir une belle peau. Quelle est cette astuce, à votre avis ? C'est son dermatologue qui est formidable, dit-elle dans l'article. Il habite Los Angeles, elle le connaît depuis des années. Eh bien, il a réglé ses problèmes de peau, parce qu'elle avait une vilaine peau, demoiselle. Elle va mettre quelque chose en particulier ou manger quelque elle mange, chose à manger. Elle mange tous les jours. Elle des mange. Chips. Ah ben non, elle mange tous les jours quelque chose qui est riche en oméga 3. Un poisson, sardine. Et ben elle mange du saumon tous les jours. Saumon fumé, saumon... Petit déjeuner, dîner, souper. Riche en oméga 3, acide gras, qui a des anti-inflammatoires sur le corps. Bref, visiblement, ça marche parce qu'elle est ravie de sa belle peau. Trois repas. Oui, c'est un peu beaucoup. Et au quoi. Dessert, elle mange du saumon. Et quand une fringale pendant la nuit, du saumon. Il y a que ça à la maison, du saumon. Numéro 2. La marque à la pomme ferait n'importe quoi pour vendre ou pour inspirer des gens. Alors on sait que dès qu'il y a une nouveauté qui sort, tout le monde se rue pour acheter la nouveauté en question. Là, maintenant, c'était l'iPhone 7 qui se vend combien ? Quasi 1000 euros. Hein, on est d'accord, c'est énorme. Et là, il y a une entreprise qui crée des bougies, qui vient de commercialiser une bougie particulière qui a l'odeur d'un produit Apple sorti de l'emballage. Ça a une odeur particulière. Un parfum issu d'un savant mélange comprenant notamment de la menthe, de la pêche, basilic et lavande. La bougie peut durer 50 heures. Valeur de la bougie, 21 euros. Non mais n'importe quoi quand même. Oui. On te vend un truc qui sent le produit informatique qui sort de l'emballage. C'est particulier. Où va-t-on ? Et si on en venait à l'info de la semaine ? Ah, allez. Vas-y. Numéro 1.

plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Dans leur seau bien plein, fatigué mais toujours sereine. Yannick Noah en souvenir avec les Lyon sur la page Facebook. On vous posait une question. Que faites-vous pour déstresser, sachant que tout à l'heure dans cette émission, on a parlé de bricolage, on a parlé de couture, on a parlé de tricot, de comment ça s'appelle les dessins, les mandalas. Mon cahier d'injures. Donc il y a plein de choses à acheter pour déstresser aujourd'hui. Quels sont vos trucs et astuces sur la page Facebook? Alors le truc d'Angélique, pour rester zen avant, je faisais des heures de sport intensif. Aujourd'hui, enceinte, je me coupe de tout quelques heures ou une journée. En restant chez moi, je ferme toutes les fenêtres, les portes, les volets, je coupe internet, le téléphone et je me mets devant une émission culturelle ou une série. Marie nous dit que son truc, elle, c'est la positive attitude et être reconnaissante de ce qu'on a. La vie est alors tellement plus zen et c'est agréable. C'est beau ce qu'elle dit, Marie. Bah, c'est vrai, bah, en même raison, temps. Voilà. Mélanie, elle, c'est l'acupuncture qui a changé sa vie. Eric fait la fête en famille, entre amis, mais jamais avec mes collègues du boulot. On se voit suffisamment en semaine au travail. Sophie, vous n'allez pas me croire, mais je me fais un bon café et je mets un disque d'AC/DC. Ah, ça, alors là, pour déstresser par rapport... C'est quand même particulier. Comment tu arrives à devenir zen sur du AC/DC? C'est quand même assez violent. Hein? Non? Ouais, une, bah, c'est un petit musique, peu, mais chacun son truc, hein, Michel? Une petite musique zen tout à l'heure, ok, d'accord, mais du AC/DC, c'est quand même un peu chouboulette. Hein, non, c'est chouboulette. Et sinon, il y a aussi Michel qui fait du yoga depuis 27 ans, et ce, dès son réveil, et Lucien qui dit « Sûrement pas du yoga, ça m'énerve au plus haut point. » Donc c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Isa tout à l'heure. Un truc déstresse quelqu'un et stresse quelqu'un d'autre. On avait la preuve en plateau. On parle de dessins coloriés qui déstressent Isa, ça marche. Ça marche super bien. Carlo nous disait que lui, il y arrivait absolument pas. Donc c'est vrai que c'est propre à chacun finalement. Il y a des choses qui vont déstresser certains, qui vont en énerver d'autres. Maintenant, de là, se relaxer sur ça. Un petit et encore, on a pris un soft là. Hein. Non, assis ici. Bah vous dodeliner de la tête, ça fait vider l'énergie, ouais. Ça fait du bien, ouais. Voilà. On se coule les cheveux, ou ceux qu'on n'a pas. C'est vrai, finalement, ça peut être sympa. Si vous avez d'autres choses à nous dire, continuez le débat sur la page Facebook. On vous lira évidemment dans les prochaines heures. Pendant le week-end aussi, n'hésitez pas à interagir avec la rédaction via le répondeur 070-222-660. Et n'oublions pas qu'on a besoin d'un coup de cœur. Nous sommes vendredi. Est-ce qu'on a déjà un coup de cœur, Aurore? Sinon, les gens ont encore 6 minutes pour le faire. Oui, on les attend encore. On va leur laisser 6 minutes pour le coup de cœur. On lit ça après. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner? Oh, bonne idée! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super! À ce week-end! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les! Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! Wouh!

Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Pas des pigeons. Il y aurait, comme qui dirait, un petit souci dans les boutons de tous les studios. C'est le week-end. Sylvie Honoré, vous êtes là ? Sylvie Honoré est là, c'est le principal. Je veux entendre Sylvie, sinon je ne vais pas plus loin. Est-ce que Sylvie est là, dans son studio, moi dans le mien ? Voilà. On a remis tous les boutons ensemble. Oui, voilà. C'est le principal. Voilà, exactement. Que la connexion nous se fasse. Nous sommes connectés, reliés. Sinon, ça va, toi ? Oui, ça va bien. Bientôt vous le week-end ? Oui. On parle de quoi avec vous pendant les prochaines heures ? On parle de l'épilepsie aujourd'hui, sujet médical, sérieux, donc sujet santé. On parle de l'épilepsie parce que je pense que, voilà, on n'en a jamais parlé dans l'émission et que j'ai eu spontanément le mail de Bénédicte Liégeois qui sera des nôtres d'ici quelques instants. Elle fait partie d'un groupe de travail au sein de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie. Elle vit le problème de l'épilepsie avec son enfant. Et je me suis rendu compte en parlant autour de moi qu'il y a beaucoup de parents qui sont confrontés à l'épilepsie. J'ai pas envie de dire cette maladie parce que je sais pas vraiment comment on l'appelle. Vous serez aussi Michel Haussmann, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Bénédicte, je vous dis bonjour tout d'abord. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sylvie. Et bonjour Michel Haussmann, vous êtes neurologue, épileptologue. Oui. Voilà, donc c'est une spécialisation en fait. C'est une sous-spécialisation de la neurologie. Une sous-spécialisation, vous êtes épileptologue au CHU-CL Namur et vous êtes vice-président de la Ligue francophone belge contre l'épilepsie. On aura, je pense, beaucoup de choses à dire et je vois pas mal de messages aussi venant sur la page Facebook de l'émission. Je vois Benoît qui nous dit « Je suis épileptique, Sylvie, depuis l'âge de 6 ans. Pendant quelques années, je les faisais n'importe quand, mes crises, puisque je les faisais dans mon sommeil, que dans mon sommeil. Et puis j'ai séjourné dans un centre neurologique et après plusieurs examens, voilà, on m'a opéré. Voilà. Donc ça, ce fera partie, je pense, de ce qu'on pourra dire d'ici quelques instants. On a aussi des personnes comme Jo qui nous dit « Mon fils, Sylvie, a eu une crise d'épilepsie à l'âge de 4 ans. Et grâce à un médicament, il n'a plus fait de crise. Il a suivi ce traitement jusqu'à ses 12-13 ans. L'électroencéphalogramme a montré qu'il n'y avait plus de risque qu'il fasse des crises. » C'est très méconnu, c'est très mal connu. Et donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le caractère invisible et imprévisible de cette maladie ne facilite en rien la vie au quotidien, mais vient se greffer à cette épreuve. Donc on a envie de vous faire intervenir aujourd'hui à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 3063, si vous souhaitez, donc juste après le journal de 13h, juste après le point météo de Nicolas Xavier Ladoux. À tout à l'heure. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Excellente journée à tous. Des trouées plutôt rares, mais qui seront possibles au fil des heures de l'après-midi entre ces nuages majoritaires qui glissent à partir du nord-est sur nos régions. Encore quelques gouttes possibles localement. Risque qui va diminuer au fil des heures et des maxima de 11 à 15 degrés pour aujourd'hui, sous un vent faible à modéré de nord-est. Ensuite, la nuit prochaine, d'abord une accalmie, ensuite brume, brouillard et nuages bas pourront se former, minima de 3 à 8 degrés. Et puis pour demain, 11 à 15 degrés au niveau des maxima. La grisaille matinale va tolérer de plus en plus d'éclaircies au fil des heures. Au final, nuages et éclaircies vont se partager le ciel et une averse sera possible du côté du littoral ou encore des hauteurs de l'Ardenne. Ailleurs, le temps restera plus sec. 9 à 14 degrés pour dimanche après une matinée assez froide. Le temps sera le plus souvent sec sous un ciel variable. Excellente après-midi.